顺序。Brasil, ele é futebol, futebol, futebol. Agora ele veut pas le Brasil, il en veut pas. Pourquoi tu veux pas le Brasil? Brasil tropical, Brasil, c'est pas pour moi. Ah, ok. Oh, calme les Brésiliens. On va se calmer les Brésiliens. On va leur mettre une dérouillée aux Brésiliens, tu vois. Ça va les calmer. Ça y est. Les Brésiliens qui s'excitent là encore. Putain. Pour ça. Ça, c'est pas mal. We'll be right back. Je suis à 100 là. Ouais, je suis pas au départ. C'est quand même assez énervé comme tempo, même en doucement. C'est pas super bien calé, hein. Samba.